بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Alors avant de commencer ce cours, on va faire un petit rappel pour mieux comprendre le cours qu'on va donner aujourd'hui. Alors premièrement, sachez que les mois du calendrier de l'Hégire sont formés de 29 ou 30 jours. Deuxièmement, sachez que les nuits précèdent les journées. C'est-à-dire par exemple que la nuit de vendredi précède la journée de vendredi. Le jeudi soir, au Maghreb, on entre dans la nuit du vendredi. Troisièmement, lorsqu'on voit l'hilal, et l'hilal est le croissant de lune, eh bien cela indique l'entrée du nouveau mois et donc qu'on doit commencer le siyam, qu'on doit débuter le siyam. Quatrièmement, sachez que le mois qui est avant le mois de Ramadan s'appelle le mois de Sha'ban et le mois qui succède au mois de Ramadan s'appelle le mois de Shawwal. On lit le hadith suivant. وعن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. عمر بن ياسر رضي الله عنه a dit celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim, c'est-à-dire le prophète alayhi salat wa salam. Ce hadith est hassan mawquf. Hassan, c'est-à-dire qu'il est bon, mawquf, c'est-à-dire que ses propos ne remontent pas au prophète alayhi salat wa salam, mais au sahabi, au compagnon Ammar ibn Yasir. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموه فصوموا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant de lune qui indique le début du mois de Ramadan, alors jeûnez. وإذا رأيتموه فأفطروا. Et lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant de lune qui indique l'entrée du mois qui succède à Ramadan, qui est le mois de Shawwal, eh bien dans ce cas-là, aftiru, rompez le siyam, c'est-à-dire cela indique la fin du mois de Ramadan. Si la nouvelle lune vous est cachée, alors complétez le nombre de jours. Si on n'arrive pas à observer le croissant de lune, alors il faut compléter le nombre de jours. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une version de Muslim, si elle vous est cachée, si la nouvelle lune nous est cachée, eh bien, il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Par exemple, si des nuages nous empêchent d'observer la nouvelle lune, il faut compléter à 30 jours le mois de Sha'ban, qui est le mois qui précède Ramadan. Et dans une autre version, compléter à 30 le nombre de jours du mois de Sha'ban. Ce hadith est authentique. Alors, premièrement, on va voir le fait de jeûner le jour du doute. Alors, tout premièrement, le jour du doute signifie qu'on ne sait pas si c'est le premier jour du mois de Ramadan ou le dernier jour du mois de Sha'ban. Sha'ban, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. En se basant sur le hadith qu'on a lu, celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim, c'est-à-dire au prophète, alayhi salatu wasalam, eh bien les savants ont dit qu'il était interdit de jeûner le jour du doute. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Sanani, Shawkani et d'autres. C'est l'avis de la majorité des savants. Deuxièmement, Mata yajib soum Ramadan. Quand est-ce qu'on doit débuter le siyam du mois de Ramadan? Alors, les preuves qu'on a lues indiquent qu'on doit débuter le siyam du mois de Ramadan, soit en voyant le nouveau croissant de lune, qui indique l'entrée du nouveau mois, soit en complétant le mois de Sha'ban à 30 jours, si les conditions ne nous permettent pas d'observer le croissant de lune. Par exemple, si le ciel est couvert, s'il y a du brouillard, de la pluie ou autre. La troisième question est, peut-on s'appuyer sur les calculs astronomiques pour déterminer le début du mois de Ramadan ? On a vu dans le hadith précédent que le prophète alayhi salat wa salam, a rattaché le début du siyam à la vision du croissant de lune. Donc cela contredit al-hisab. Al-hisab, c'est-à-dire les calculs astronomiques. Et sachez que al-hisab, les calculs astronomiques, existent depuis longtemps. Donc on ne peut pas savoir à l'avance quand débute le mois de Ramadan. Qala ibn Daqiq al-Aid, in al-hisab la yajouz an yu'tamad alayhi fi s-sawm. Ibn Daqiq al-Aid a dit qu'on ne pouvait pas se fonder sur le calcul astronomique pour déterminer le nouveau mois. Et Al-Lajna Da'ima, le comité des savants de l'Ifta, a dit qu'il s'agissait d'une bid'a. Qalu, hiya min al-bid'a allati la khayra fiha. Donc le fait de s'appuyer sur les calculs astronomiques est une bid'a. C'est une innovation dans la religion. Et sachez qu'il n'y a aucun bien dans les innovations. Fil bid'a. Quatrième question, est-il permis d'utiliser des lunettes astronomiques pour observer le nouveau croissant de lune? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit la baisse bi walakin laysa bi wajib. Il a dit que cela était permis, mais pas obligatoire. Il a dit que ce qui ressort de la sunna est qu'ils observaient la lune à l'œil nu, sans instrument, mais il a dit que cela était permis. Et auparavant, ils se plaçaient sur des endroits élevés pour pouvoir observer le nouveau croissant de lune. Par exemple, ils se rendaient sur des phares, en haut des phares, pour observer le nouveau croissant de lune. Donc en résumé, cela est permis, mais pas obligatoire. La cinquième question est une question très importante qui revient quasiment chaque année et qui pose souvent problème. Cette question-là est, si les gens observent la nouvelle lune dans un pays, est-ce que tous les autres pays doivent également débuter SIEM ou pas? Les savants ont émis plusieurs avis sur cette question-là. On va citer les trois principaux avis. Le premier avis est que si une région observe le croissant de lune, eh bien tous les autres pays doivent également débuter SIEM. C'est l'avis de l'imam Malik, de Shafi'i, d'Ahmed, de Layth. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et également Shawkani, Cheikh l'Albani, Cheikh Ibn Baz et d'autres savants. Ils se sont appuyés sur la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, « Soumou li ru'yati » Débutez le SIEM lorsque vous observez le croissant de lune. Donc ils ont dit que ce hadith-là s'adresse à tous les musulmans. Si une partie des musulmans observe le croissant de lune, eh bien, tous les autres musulmans doivent également commencer à SIEM. Et c'est ce qu'a cité l'imam Shawkani qui a dit que si les gens d'un pays ont vu Al-Hilal, le croissant de lune, c'est-à-dire que les musulmans l'ont vu. Et ce qui est obligatoire pour ces gens-là qui ont vu Al-Hilal, l'est aussi pour les autres personnes, pour les autres musulmans des autres pays. Donc voilà le premier avis. Le deuxième avis est que le SIEM s'impose aux pays qui ont les mêmes matali'a. Les mêmes matali'a, c'est-à-dire les mêmes moments d'apparition de la lune. Par exemple, lorsque des pays sont proches, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, eh bien, ils ont les mêmes matali'a, c'est-à-dire qu'ils observent la lune au même moment. Donc, les pays qui ont les mêmes matali'a débutent le SIEM en même temps. Mais si un pays est éloigné, par exemple comme l'Amérique, eh bien, il ne va pas avoir le même matali'a. Donc, ils n'ont pas à commencer en même temps. Ils commencent lorsqu'ils observent le nouveau croissant de lune. C'est l'avis des Shafi'iyya, également un des avis de l'imam Ahmed. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Mouqbel et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhim. Et ils se sont basés sur le même hadith qu'on a cité auparavant. « Soumou li ru'yati » Débutez le SIEM lorsque vous observez le croissant de lune. Donc, ils ont dit que vu que dans cette région-là, ils n'ont pas observé le croissant de lune, eh bien, ils n'ont pas à commencer le SIEM. Vu que le SIEM est rattaché à la vision du croissant de lune, ceux qui n'observent pas la lune au même moment ne sont pas considérés comme l'ayant vu. Voilà leur raisonnement. Ils se sont appuyés également sur un hadith qui a été rapporté par Muslim, où lorsque Quraib s'était rendu auprès de Muawiyah qui se trouvait dans la région du Sham, la grande Syrie, eh bien, ils observèrent la nouvelle lune la nuit du vendredi. Et lorsqu'il se rendit fil Medina à Médine, à la fin du mois, eh bien, Ibn Abbas lui demanda quand est-ce qu'ils avaient observé la nouvelle lune. Donc il lui dit qu'il l'avait observé la nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi soir. Ibn Abbas l'informa qu'il l'avait vu la nuit du samedi, c'est-à-dire vendredi soir, c'est-à-dire un jour après. Et Quraib lui dit « Afala taktafi bi ru'ya Muawiya ?» Il lui demanda « Pourquoi est-ce que tu ne prends pas en compte la vision de Muawiya, qui eux l'ont vu un jour avant ?» Faqala la hakadha amarana Rasulullah alayhi salatu wasalam. Ibn Abbas lui dit que c'est ainsi que leur a ordonné le prophète alayhi salatu wasalam. Donc ils ont dit ici qu'on a deux régions, le Sham et le Médina, Médine. Deux régions qui n'ont pas commencé en même temps. Alors au Sham, ils ont commencé le vendredi et à Médina, fil Médina, ils ont commencé samedi. Donc ils ont dit que cela dépendait des différents moments d'apparition de la lune, del matali'a. Voilà leur raisonnement. Le troisième principal avis est que la vision de certains ne s'impose pas à d'autres, sauf si le gouverneur décide que les gens doivent débuter SIEM. Les différentes régions qui sont sous l'autorité de ce gouverneur-là sont-elles une seule région? Donc le jugement du gouverneur s'applique à toutes. Donc dans cet avis-là, c'est le gouverneur qui décide. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit « وعمل الناس اليوم على هذا » Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, a dit qu'en pratique de nos jours, c'est ce que les gens font. C'est-à-dire que les gens suivent le gouverneur. Il a dit que cela était pour veiller à l'unité des musulmans et à leur cohésion. Donc, c'est un point de vue solide pour préserver les musulmans de la division. les gens suivent le gouverneur. Lorsqu'il décide que le pays doit commencer tel jour, eh bien, les gens doivent jeûner en même temps que les gens du pays. Comme le prophète alayhi salatu wasalam, a dit, donc le siyam débute lorsque les gens commencent le siyam. Et le siyam se termine lorsque les gens terminent le siyam. Shir Mohammed bin Hizam a dit que les deux premiers avis étaient solides. Le premier avis qui est que lorsqu'on observe le croissant de lune dans une région, eh bien tous les autres pays doivent débuter le siyam. Et le deuxième avis qui est que cela est en fonction des matalia, des différents moment d'apparition de la lune. Mais il a dit que le premier avis était plus fort encore, qui est que lorsque on observe le croissant de lune dans une région, eh bien tous les autres pays doivent débuter siyam. Il a répondu au deuxième avis par ces points-là. Alors, tout premièrement, alors le deuxième avis qui est que cela est en fonction des matalia, des différents moments d'apparition de la lune. Alors, tout premièrement, il a dit qu'il était difficile de définir précisément les moments d'apparition de la lune, car ils n'ont pas de critères définis, de critères clairs et précis. Et c'est ce qu'a cité Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, qui a dit « وَالْمَطَالِعْ أُمُورٌ نِزْبِيَّ لَيْسَ لَا حُدُودٌ مَادِيَّ يُمْكِنْ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَبَيَّنُوا » Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, a dit que le matali' était quelque chose de relatif et très difficile à délimiter. Il est très difficile de délimiter ces zones-là. Où vont commencer ces zones-là? Où vont-elles s'arrêter? Où vont-elles finir? Donc on ne peut pas les définir de manière exacte. Et c'est ce qu'a cité également Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Alors il a dit, imaginons qu'on définisse ces zones d'apparition de la lune, ces différents matalaires, par exemple par une certaine distance, et qu'une personne se trouve à l'extrémité de la première zone, et une autre personne se trouve dans une deuxième zone juste à côté, à quelques mètres de cette personne-là. Donc la première personne va jeûner car elle se trouve dans ce matla, et l'autre personne qui est à quelques mètres ne va pas jeûner car elle se situe dans un autre matla. Donc il a dit que cela était inconcevable. Deux personnes qui se situent à quelques mètres l'une de l'autre, une qui jeûne et une qui ne jeûne pas. Donc il a dit que cela était inconcevable et ne faisait pas partie de Hadad-Din, de l'islam. Donc, il a rejeté cet avis-là. Ils ont également répondu en disant cela. Ils ont dit, vous êtes d'accord pour dire que si certains dans le pays voient le croissant de lune, eh bien, tout le pays doit commencer le siyam, même si les autres personnes n'ont pas vu le croissant de lune. Eh bien, ils ont dit que c'est exactement la même chose à plus grande échelle. Si une région observe le croissant de lune, eh bien, tous les autres pays doivent débuter le siyam. Voilà, j'espère que c'est clair. Si dans un pays, certaines personnes observent le croissant de lune, tout le pays doit commencer le siyam, même si les autres personnes n'ont pas vu le croissant de lune. Eh bien, c'est la même chose à grande échelle. Si dans une région, on observe le croissant de lune, tous les autres pays doivent débuter le siyam, même si eux n'ont pas observé le croissant de lune. Donc voilà la réponse qui a été donnée à cet avis-là. Reste la réponse au hadith d'Ibn Abbas. Alors, on rappelle le hadith d'Ibn Abbas. On avait deux régions, Shem et Al-Medina, qui n'ont pas commencé le siyam en même temps. Alors la réponse à ce hadith-là est que tout premièrement, Ibn Abbas n'a pas dit que le prophète alayhi salatu wasalam, leur a dit de ne pas prendre en considération la vision faite par un autre. Il a juste dit de continuer à jeûner jusqu'à voir l'Hilal, le nouveau croissant de lune, ou compléter le mois à 30 jours. Et deuxièmement, c'est ce qu'a cité Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani Rahmatullah Ali a dit que ce hadith-là concerne le cas où une personne débute le siyam selon la vision faite dans un pays, puis pendant le mois de Ramadan, eh bien, l'information lui vient qu'ils avaient vu l'Hilal dans un autre pays un jour avant. Alors, que faire dans ce cas-là? Eh bien, la réponse est que la personne doit continuer à jeûner avec les gens de ce pays-là. Donc ici, il n'est pas question de matalir. Et troisièmement, et la réponse qu'a citée Cheikh Mohammed bin Hizam. Alors, Cheikh Mohammed bin Hizam a fait une très bonne remarque. Il a dit que Shem et Al-Medina ont en fait le même matla'. Ils ont le même moment d'apparition de la lune. Donc, ce hadith-là ne convient pas. Ce n'est pas un argument. Il aurait fallu un exemple où on a deux régions très éloignées qui n'ont pas les mêmes matla', qui n'observent pas la lune au même moment, pour servir d'argument. Donc ici, Sham et Al-Medina observent la lune en même temps. Donc ce hadith-là n'est pas un exemple qui est adéquat. Cet exemple-là ne convient pas. Donc ici, c'est un très bon raisonnement de Cheikh Mohammed ibn Hizam, hafidhullah wa ta'ala. Donc en résumé, si le croissant de lune est observé dans une certaine région, eh bien, normalement, la ville plus juste est que tous les autres pays doivent débuter le siyam. Mais en pratique, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, eh bien, on doit suivre le gouverneur. On doit jeûner en même temps que les gens du pays pour fermer la porte à la division. Et ici, quelqu'un pourrait poser cette question-là. On est en train de parler de pays musulmans. Mais comment faire lorsqu'on se situe dans des pays de kufr? Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, a répondu à cette question-là. Alors, il a dit en résumé que les musulmans du pays devaient s'efforcer de trouver le début du mois de Ramadan avec les instances religieuses musulmanes compétentes du pays. Il a dit de jeûner ensemble, de commencer le siyam ensemble et de ne pas se diviser. Il a dit également qu'il fallait terminer le siyam en même temps, que ce soit en Amérique, en Europe ou ailleurs. Et si l'instance juge bon de commencer en même temps qu'un certain pays, alors il n'y avait pas de mal à cela. Et si tout le monde commence en même temps, alors c'est la meilleure des choses. Et également, on a posé cette question-là à Cheikh Abdelhamid Al-Hajouri. On lui a demandé comment devaient faire les frères qui se trouvaient en France, les frères et les sœurs qui se trouvaient en France. Il a dit qu'ils devaient commencer le siyam avec l'ensemble des musulmans du pays. Donc, en résumé, il faut veiller à l'unité des musulmans. Il ne faut pas diviser. Donc voilà pour cette question très importante qui revient quasiment chaque année et qui cause souvent problème. Wa ilawna wa alhamdulillahi rabbil alamin.